En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler du Rocket de Laval avec notre ami descripteur radiophonique du Rocket et ancien descripteur des Saguenayens, Anthony Marcotte. Salut Anthony. Salut Danny, content de te parler. Ça va bien, ça va bien. Anthony qui se retrouve dans la séduisante ville de Rochester. C'est là où on se compte ce matin. OK. Anthony, si on parlait un peu du Rocket, moi, écoute, est-ce que je me trompe en disant que Marc Bergevin n'a pas aidé beaucoup Joël Bouchard? T'as raison. D'un autre côté, je pense que au niveau organisationnel, on souhaitait vraiment que les meilleurs jeunes joueurs de l'équipe obtiennent des rôles importants à Laval. C'est exactement ce qui est en train de se produire avec Kotkaniemi au centre du premier trio, Peeling au centre de la deuxième ligne, Vindemo au centre de la troisième, puis probablement Brooke et Fleury comme les deux premiers défenseurs. Là, présentement, c'est ça. Et Kevin Pribault comme premier gardien. Donc, les bons espoirs de Ligue américaine à Laval, ils ont tous des rôles très importants. Alors, de ce côté-là, c'est bon. De l'autre, moi, ce que j'aime moins, c'est à la limite des transactions, tu n'as rien acquis vraiment pour aider ton club école. Et pourtant, les chances sont là pour le Rocket de se qualifier pour les séries. Les gens attendent ça avec impatience et ce serait une belle expérience pour les jeunes joueurs. Donc, là-dessus, effectivement, je trouve qu'on a vraiment affaibli la profondeur de l'organisation. Tu as seulement 12 attaquants, 6 défenseurs en haut. Dès que tu as des blessés, c'est où qu'on va piger, c'est à l'avant et c'est là que ça va faire mal. C'est un club qui n'a pas beaucoup de profondeur. Est-ce que Riley Barber et Phil Verone étaient des pommes pourrites? Ben ça, c'est une grosse question. Moi, je suis au quotidien autour de l'équipe, mais pas nécessairement dans le vestiaire. C'est sûr que les deux joueurs en question n'étaient pas satisfaits de leur rôle avec le Rocket, un petit peu pour les raisons que je t'ai expliquées. Il y avait une intention claire, nette et précise de donner les rôles les plus importants aux jeunes. Donc, c'est Verone et Barber qui ont beaucoup écopé. Ils se sont trouvés sur la deuxième vague d'avantage numérique. On a tenté Verone à gauche, un joueur de centre. Il y a un paquet de facteurs. Mais moi, je pense que le courant n'a jamais passé entre Barber et Joël Bouchard dès le départ au début de la saison. Dans le cas de Verone, qu'il a été insatisfait de tout ça, je pense qu'il n'est jamais revenu le même joueur après sa blessure au poignet. Il a manqué 2 mois. Par la suite, on dirait qu'il n'avait pas son intensité d'habitude, pas la puissance dans son tir. Il y a un paquet de facteurs, mais ils sont partis. Si on regarde les résultats du Rocket, c'est incroyable. Là. L'équipe qui joue très, très bon hockey. On vient d'aller chercher de 7 points sur une possibilité de 8 en 4 matchs depuis que les deux sont partis. Donc, il y a un lien très, très clair à faire entre leur départ et le rendement de l'équipe. OK. Maintenant, si on y allait, Kotkaniemi, depuis qu'il est à Laval, comment il se comporte? Il joue du très bon hockey. 11 points en 11 matchs. Il y avait les plus et les moins, par contre, que c'était, ça laissait à désirer, hein? Oui, exact. Il y a eu beaucoup de buts marqués là, ou de participer sur l'avantage numérique, mais je te dirais que depuis une semaine, là, il joue vraiment du très bon hockey. Tu te compares aux meilleurs joueurs de l'équipe, des joueurs de son âge, il n'y en a pas beaucoup là, dans la Ligue américaine, mais il fait partie des joueurs certainement les plus productifs de son âge. Le potentiel est là, pour moi, c'est très, très clair. Je pense qu'il n'y a pas c'est pas légitime de paniquer dans le cas de Kotkaniemi. On va faire un très bon joueur de hockey avec lui. Il n'y a pas aucune inquiétude, je pense qu'il joue très bien, mais il n'a pas encore marqué. Donc, j'attends son premier but avec impatience. Ça ne devrait pas tarder. J'ai l'impression qu'en fin de semaine, il va trouver le moyen d'en mettre une dedans. Mais c'est un joueur qu'on comparait beaucoup à Barkov, du Panthers de la Floride. C'est pas nécessairement le plus grand marqueur. Et c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer dans le cas de l'ennemi. Par contre, je dis que c'est l'an prochain. Ça va. Parce qu'un joueur de centre, c'est pas comme un allié, c'est pas comme un défenseur. Un défenseur, oui, mais c'est pas comme un allié. T'sais, on compare beaucoup avec Brady Tkachuk, mais un joueur de centre, c'est plus long à développer aussi. Puis surtout un joueur de centre de sa grandeur. Il y a un paquet de facteurs dans tout ce qu'il a bien mis. Son rendement en défense laisse des fois désirer. Il faut qu'il s'améliore sur ses mises au jeu. Mais on se permet de prendre plus de temps avec lui parce que la grande différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est que La Ligue américaine, ça demeure un circuit de développement. Elle est là, la priorité, tandis que dans la Ligue nationale, tu dois gagner à tous les matchs. Donc, c'est ça la différence. Claude Julien n'a pas le temps de faire du cas par cas avec Kotkaniemi, prendre du temps avec lui, tandis qu'ici, à Laval, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, je pense que ça sera une belle expérience pour lui, puis que l'an prochain, convaincu que le joueur qui va arriver au camp va être davantage prêt à faire face aux rigueurs du calendrier de la Ligue nationale. Ryan Pelling, lui, c'est pas encore paniqué. Par contre, lui aussi, c'est l'année prochaine. Mais c'est une année décevante dans son cas. Puis des fois, je me demande si le match de 3 buts, ça y a pas nuit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, non seulement ça lui a nuit, mais ça a mis la barre beaucoup trop haute de la part des partisans. T'sais, c'est facile de juger un joueur sur un match qui n'avait aucune signification, de se dire le joueur va être bon dans la Ligue nationale. On s'est tous fait un petit peu tromper par ça. On regarde froidement les statistiques de Pelling. C'est pas un joueur qui a produit énormément des révolutions. Ça ne sera pas pour moi un joueur capable de jouer sur les deux premiers trios de façon régulière dans la Ligue nationale. Ce sera un joueur de troisième ligne et très utile dans des missions défensives dans les deux côtés de la patinoire. C'est un gars qui est responsable. Et moi, j'ai en fin de semaine, mercredi, je pense qu'il a joué son meilleur match avec le Rocket, mais il n'a pas marqué, il n'a pas produit, il n'a pas de points. Mais il a été excellent dans des situations clés en défense, dans des rôles, dans un match où c'était extrêmement serré contre une très bonne équipe. J'ai trouvé qu'il a très, très bien réagi face à tout ça. Donc, pour moi, il faut mettons un bémol un petit peu sur sa production offensive, mais regardons l'ensemble de l'œuvre. Je pense que ce sera un joueur de la Ligue nationale très responsable. OK. Maintenant, Josh Brook. Depuis que tu m'as dit qu'il était en première paire de défense, comment il va? Il joue très bien. Honnêtement, lui, là, depuis quelques rappels, depuis le rappel de Xavier Ouellet, entre autres, on a augmenté ses responsabilités offensives. On le retrouve un petit peu plus sur l'avantage numérique. Et je trouve qu'il réagit beaucoup au plus grand temps de glace qu'on lui donne. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Lui, c'est pas le fait de jouer à l'attaque qui est le problème. C'est vraiment dans des situations défensives au centre de la glace. Comment il est capable de limiter l'espace qu'il donne aux attaquants. Mais ça, il met beaucoup d'attention à ces détails-là en entraînement. Et il y a des résultats fort intéressants. Moi, je suis très impressionné. Depuis un mois, Brook, pour moi, est le joueur le plus amélioré de cette équipe. Il montre vraiment des signes très intéressants pour la suite des choses. C'est un gars qui va avoir besoin encore de temps dans la Ligue américaine, probablement encore l'an prochain. Mais il va jouer en haut parce qu'il a tellement de belles qualités. C'est un excellent patineur. Okay. Il a un instinct offensif qui ne s'apprend pas à cause de son coup de patin qui le sent très bien. Donc, il y a un très beau potentiel dans le cas de Brook. Pour moi, c'est certain. Et Fleury, Caden Fleury. Cale, lui, dans son cas, ça a été un ajustement plus difficile pour lui à son retour dans la Ligue américaine. Je pense que pensait que sa place était déjà acquise à la Ligue nationale. Sans trop le vouloir, il avait ajouté quelques mauvais plis à son jeu. Puis, d'un autre côté, à Montréal, on lui donnait le rôle de sixième défenseur. Il jouait une douzaine de minutes, tandis que là, avec Laval, il est au-dessus de 20 minutes par match. Donc, c'est un ajustement important pour lui au niveau du temps de place. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il joue sur les unités spéciales. Donc, pour lui, les deux ou trois premières semaines ont été plus ardues. Mais tout comme Brook, avec le rappel de Ouellet, le rappel de Osner, ben ça ouvre des portes, ça ouvre des responsabilités, puis ça tient très bien sa tâche présentement. Donc, là aussi, il y a des signes intéressants dans le cas de Fleury. OK. Et ce matin, on apprend que Jesse Ylönen, le deuxième choix de 2018, va se rapporter au Rocket de Laval. J'ai hâte de le voir parce que c'est un prospect intéressant. Par contre, c'est toujours l'adaptation dans la glace européenne, dans la glace nord-américaine. Est-ce que Joël Bouchard a parlé de son utilisation? J'ai pas eu la chance de parler à Joël depuis que l'annonce a été faite plus tôt ce matin. Là, ça va se faire au cours des prochaines heures. Effectivement, tu l'as dit, l'ajustement au patinoire nord-américaine, c'est en quelque sorte une audition pour lui en vue de la saison prochaine. J'ai l'impression qu'il sera un membre à part entière du Rocket encore l'an prochain, le jeune Ylönen. Alors, beaucoup des choses à apprendre, mais il faut pas s'arrêter simplement à cette statistique offensive de 22 points cette année dans la Ligue de la Finlande. Mais au sein d'une des pires équipes de la Ligue, beaucoup de difficultés à marquer des buts avec les Pélicans de Lassie. Donc, pour lui, il s'en vient dans une situation favorable à Laval. Il va avoir du temps de jeu. C'est un ailier droit. C'est une carence avec le Rocket. Il va obtenir vraiment des minutes intéressantes. l'impression qu'on pourrait le voir avec Kotkaniemi très rapidement d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un autre jeune joueur. On les a tous nommés tout à l'heure, les jeunes joueurs de l'équipe d'année, mais lui, il va se rajouter là, ce noyau qui est fort intéressant. Là. Les jeunes de 20 ans là, de fort potentiel. C'est quand même un 35e choix total dans la Ligue nationale. Le Canadien le suit de près. Donc, 8 semaines, ce sera un contrat là, pour terminer la saison de la Ligue américaine. Mais c'est une approche là, tout simplement qui sera faite auprès du joueur. Puis, en théorie, il va être mis sous contrat de la part du Canadien pendant l'été. Laurent Dauphin, qui est un ancien des Saguenayens, je pense que tu étais descripteur à l'époque des Saguenayens, hein, que Dauphin jouait. J'ai juste manqué Laurent. J'étais pas là, j'ai quitté. En fait, lui, il était retourné il y a 3 à 16 ans. OK. Et puis après ça, à son 17 ans, moi, j'avais quitté. Mais on a quand même gardé contact. Okay. J'étais là au repêchage avec les Saguenayens quand l'équipe l'avait sélectionné. C'était le repêchage de Victoriaville. Donc, on a toujours gardé contact depuis. Puis, il est bien content de le retrouver avec le Rocket. Est-ce que Laurent Dauphin est un joueur étiqueté de Ligue américaine et Europe? Peut-être. L'avenir le dira. Moi, je pense que présentement, Joël Bouchard est en train de pousser des bons boutons avec Laurent Dauphin parce qu'il a toujours été habitué de produire offensivement. Mmh. Mais pour moi, son style de jeu va être identifié davantage à un trio soutien dans la Ligue nationale. Moi, la plus grande force de Laurent, c'est sa capacité à conserver la rondelle profondément en zone adverse. C'est très, très difficile de lui enlever le disque. Il est très fort physiquement. Mais c'est pas un joueur avec d'excellentes habiletés individuelles pour produire dans la grosse ligue. Okay. Mais dans un trio soutien, tu peux te trouver une chaise. Et moi, je pense qu'il est en train de la trouver justement avec le Rocket. Donc, moi, je vois de bons signes dans le cas de Dauphin. Je serais pas étonné considérant la profondeur, les échanges des Thompson, des Cousins à Montréal, ben peut-être qu'on va lui donner quelques matchs d'ici la fin de l'année. Je serais pas surpris qu'il obtienne ce genre d'audition d'ici la fin de la saison. Okay. Anthony, est-ce que le Jello est vraiment pogné entre les joueurs? Parce qu'à un moment donné, on entendait Joël Bouchard dire que les joueurs qui ont été descendus à Montréal de Montréal et le Rocket, c'était... Il s'ajoutait pas aux vétérans. Est-ce que là, le Jello est pogné? Parce que moi, je trouvais ça très ordinaire, cette déclaration-là. Je me suis dit, c'est la job à Joël de faire ça, de faire en sorte que la chimie colle. Je sais pas si tu comprends, tu l'as entendu. Oui, mais ouais. T'as raison. Mais regarde, les vétérans qui le pointaient ouvertement du doigt, ils ont tous quitté. Okay. Est parti, PK est parti, Barber est parti. Et depuis ce temps-là, l'équipe se met à gagner. Donc oui, c'est vrai, les vétérans ont quitté et Joël n'a pas encore fait la démonstration qu'il était capable de diriger une équipe avec des vétérans là, qui sont un petit peu le noyau de sa formation, mais il est très à l'aise de diriger des jeunes joueurs, puis on voit des bons signes pour les jeunes. Alors, on peut regarder ça de deux manières. Oui, ça se peut que ça fonctionne pas de gagner avec des vétérans, mais de l'autre, si Joël est capable de former des jeunes joueurs pour jouer dans la Ligue nationale, ben, je pense que c'est l'objectif sera rempli, même si ça peut coûter de temps en temps des places dans les séries. Ouais. Ben, si les jeunes joueurs apprennent de bonnes choses sur Joël et qu'ils arrivent prêts à jouer dans la Ligue nationale, ce sera une mission accomplie. Donc, on peut regarder ça des deux côtés de la médaille. Moi, je préfère effectivement là, que Joël s'accepte sa tâche à développer des jeunes joueurs. C'est pour ça qu'il est là, le développement. Et ça, ça a cruellement manqué avec le Canadien depuis plusieurs années. OK. Anthony, gros merci. On se reparle un autre tantôt du Rocket de Laval. Parfait, Danny. À bientôt. Anthony Marcotte.